Section 41 de Histoire générale du 4e siècle à nos jours. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du 4e siècle à nos jours. Tome 2e. Chapitre 8. Troisième partie. Les communes, par Arthur Giry et André Réville. Les villes du Moyen-Âge, parvenues à l'affranchissement par les voies les plus diverses, ne devaient pas jouir d'une constitution uniforme, et leur indépendance, comme leur organisation, varia profondément d'un centre à l'autre. Telle commune est presque autonome, telle autre n'a que les apparences de la liberté. Ici, la source de toute autorité réside dans l'Assemblée générale des habitants. Là, le pouvoir est aux mains d'une oligarchie formée de quelques familles qui se réservent les magistratures et les charges municipales, en sorte qu'il est impossible de donner de ces villes une définition compréhensive et précise. Et d'autre part, entre les localités les plus indépendantes et celles qui demeuraient sous la surveillance immédiate des fonctionnaires royaux ou seigneuriaux, il y avait tant de types intermédiaires, tant de degrés, de nuances dans la liberté et dans l'assujettissement. Les transitions des unes aux autres étaient si insensibles qu'il n'est pas moins difficile de distinguer parmi elles certaines catégories où l'on pourrait les grouper pour en faire une étude méthodique. C'était une hiérarchie suivie, sans solution de continuité, sans point d'arrêt. Toutefois, les historiens ont l'habitude de les ranger en deux classes distinctes, les communes et les villes de bourgeoisie. Ils désignent sous le nom de communes les centres qui avaient acquis, vis-à-vis de leurs seigneurs, une certaine indépendance politique. Dans les villes de bourgeoisie, au contraire, les habitants se seraient assurés seulement des libertés civiles, des garanties contre l'arbitraire administratif, fiscal, judiciaire, militaire du maître, mais n'auraient pas conquis le droit de se gouverner. Cette division est une pure convention. Elle ne date pas du Moyen-Âge, et dans la pratique, il serait bien difficile, sinon impossible, de distinguer nettement les communes les moins libres, des plus indépendantes, parmi les villes de bourgeoisie. Sous cette réserve, nous l'admettrons, parce qu'elle est usuelle, et qu'aucune autre ne se justifierait mieux. La charte de commune. Étendue ou restreinte, les droits de la commune étaient presque toujours consignés en un titre écrit, contrat passé entre elle et le seigneur. Pacte fondamental auquel on pouvait se référer en cas de nouvelles difficultés ou de contestation, et qui lui servait à la fois d'acte de naissance et de texte constitutif. C'était la charte de commune. On cite, il est vrai, certaines localités comme Abbeville où l'affranchissement ne fut pas d'abord sanctionné sur parchemin, mais ce sont là des exceptions à la règle. Bien qu'on les conservât précieusement dans des coffres dont les autorités municipales avaient seules la clé, ces chartes nous sont rarement parvenues sous leur forme originale, et nous ne les connaissons le plus souvent que par des confirmations plus récentes. Elles diffèrent étrangement entre elles. L'une, celle de Corbie, ne comprend que 7 articles. Une autre, celle de Molien-Vidame, petite place de Picardie, en contient 60. L'étendue de l'acte ne se mesure pas à l'importance du lieu. Elles sont rédigées d'ordinaire sous la forme d'une concession seigneuriale, mais parfois aussi en un style impersonnel. Quant aux clauses, c'est d'ordinaire une énumération sans ordre, souvent sans clarté, parfois non sans contradiction. Généralement, elles ont pour l'objet principal de consacrer l'existence du lien communal, de régler les rapports de la commune avec son suzerain, notamment en matière de justice et d'impôts, de déterminer les droits et privilèges des bourgeois, et comme on disait alors, leur liberté, limitation des tailles, des taxes, des corvées, des péages, du droit de banalité, du service de chevauchée et de guerre, exercice et étendue de la justice seigneuriale. Il est rare que la charte nous décrive l'ensemble de la constitution municipale. Elle ne mentionne le plus souvent que les innovations, éclaire les points douteux et passe sous silence les usages établis, qui ne sont pas sujets à contestation, d'où leur apparence incohérente, vague, incomplète. En revanche, elle fixait fréquemment certains points de la coutume et servait dans une certaine mesure de code civil et criminel. Par elle, disait Guibert de Nogent, les censitaires ne sont condamnés pour l'infraction aux lois qu'à une amende légalement déterminée. Voici de quelle manière, sous quelle forme souvent naïve, qui aura commis un meurtre dans la ville ne trouvera asile nulle part. S'il se soustrait au châtiment par la fuite, ses maisons seront rasées et ses biens confisqués, et il ne pourra rentrer avant de s'être réconcilié avec les parents de sa victime et d'avoir payé 10 livres, dont 100 sous au châtelain et 100 à la commune pour les fortifications. Qui aura blessé quelqu'un avec une arme dans la ville et en aura été convaincu par témoin, payera 10 livres, dont le tiers à la victime, le tiers au châtelain et le tiers à la commune pour les fortifications. Qui aura frappé quelqu'un dans la ville, payera 100 sous. Qui aura arraché les cheveux à quelqu'un, payera 40 sous. Qui aura injurié quelqu'un, payera 40 sous. Qui aura blessé quelqu'un avec une arme dans la banlieue et en sera convaincu par 2 témoins, payera 100 sous. Et s'il l'a tué, 10 livres, dont 100 sous au châtelain et 100 à la commune pour les fortifications. Charte de Saint-Omer, 1168. La plupart des chartes de communes s'efforçaient aussi d'assurer la sécurité des marchands étrangers. Si un marchand étranger vient à Beauvais pour le marché et que quelqu'un lui fasse tort ou injure dans les limites de la banlieue, si plainte en est faite au maire et que le marchand puisse trouver son malfaiteur dans la ville, les pairs en feront justice, à moins que le marchand ne soit un des ennemis de la commune. Enfin, ces actes sanctionnaient presque toujours, dans les termes les plus variables, le principe de la solidarité des bourgeois. Tous les hommes de la commune céderont de tout leur pouvoir, dit la charte de Senlis. Chacun des hommes de la commune, lit-on dans celle d'Abbeville, gardera fidélité à son juré, viendra à son secours, lui prêtera aide et conseil. Quiconque, proclame une troisième, aura forfait envers un homme qui aura juré cette commune, les pairs de la commune, si plainte leur en est adressée, feront justice du corps et des biens du coupable, suivant leur délibération. Mais tout contrat de ce genre ne supposait pas nécessairement des stipulations aussi variées. Telle clause, largement développée dans un acte, était dans l'autre totalement omise. Parfois même, le pacte ne consistait qu'en une amnistie ou qu'en une concession bénévole du seigneur, limitée, brièvement consignée. Cependant, il ne faudrait pas exagérer cette diversité et dire autant de chartes, autant de types différents. Certaines d'entre elles, en effet, furent imitées, copiées, colportées de ville en ville. Le comte de Ponthieu, entre 1130 et 1194, octroya une constitution à Abbeville, selon les droits et coutumes des communes d'Amiens, de Corbie et de Saint-Quentin. Ardres s'organisa au XIIe siècle, à l'exemple de Saint-Omer. Athy et Ferrières, Somme, sur le modèle de Péronne. Soit que le prestige d'une expérience heureuse, du succès acquis, ait assuré la fortune de certaines chartes, soit que les principaux centres aient agi par contagion sur les petits bourgs qui les entouraient, comme Soissons et Dijon, dont la commune se propagea dans tout le duché de Bourgogne, soit que certains seigneurs, pour des motifs d'intérêt politique, aient provoqué l'adoption de la même constitution sur plusieurs points de leur domaine. Est-il besoin de rappeler que ce fut le cas des établissements de Rouen ? Dans le nord de la France, la ville-mère se distinguait de ses filiales sous le nom de chef de Sens. Celle-ci lui demandait des éclaircissements quand la signification d'un article, d'une clause leur paraissait obscure. La consultation était d'usage, parfois même obligatoire. La charte était comme un texte sacré que la métropole avait dicté en une heure d'inspiration et qu'elle seule était autorisée à commenter. La commune seigneurie collective. On a dit que la commune, dans son ensemble, abstraction faite des individus qui la composaient, n'était autre chose qu'une seigneurie collective. Cette assimilation d'une ville bourgeoise à un fief, si étrange qu'elle puisse sembler, se justifie pleinement, et les historiens d'aujourd'hui s'accordent à l'admettre. Remarquons tout d'abord que les seigneuries collectives n'étaient pas rares au Moyen Âge. Les abbayes, les chapitres en constituaient à leur façon. Les communes, nées en pleine féodalité, alors que la forme seigneuriale enveloppait, enserrait toutes choses, les états, les personnes, les idées, sont entrées fatalement dans le moule féodal et y ont grandi. La commune, si bourgeoise qu'elle paraisse, avait en réalité toutes les qualités d'un feu d'artère, et la ville libre était un fief. Relation de la commune avec son suzerain, l'hommage, les redevances. Les relations entre les habitants et leurs seigneurs, leurs obligations réciproques, étaient identiques à celles qui, dans la société féodale, unissaient les suzerains à leurs vassaux nobles. Le seigneur avait des devoirs envers ses citadins, comme à l'égard de ses barons. Il promettait non seulement de respecter leurs privilèges, mais aussi de les protéger. « Je leur procurerai la paix envers toute personne », dit en 1127 le comte de Flandre, dans la charte de commune de Saint-Omer. « Je les maintiendrai et défendrai contre mes hommes. » En retour, la ville, comme une vassale, devait à son seigneur l'hommage, l'aide, le service militaire. Les exemples de ces hommages que les communes rendaient par l'organe de leurs magistrats sont extrêmement nombreux. Ils étaient réglés à peu près comme ceux d'un fief, et la formule était sensiblement la même. « Nous jurons, disaient les consuls de Périgueux, de garder à notre seigneur le roi Philippe II, l'illustre roi de France et à ses héritiers. Fidélité contre tous hommes et toutes femmes pouvant vivre et mourir. » Ce serment était répété à chaque changement de suzerain, et même, en certaines localités, toutes les fois que la municipalité se renouvelait. Quant aux obligations pécuniaires, elles variaient. Certaines communes devaient la taille à leur seigneur, mais toujours une taille limitée à l'avance, invariable. Au-delà de cette somme, fixée une fois pour toutes, le baron ne pouvait imposer aucune charge fiscale à ses bourgeois. Même beaucoup de villes, en vertu de leurs privilèges, étaient complètement exemptes de taille. Toutes, sans exception, au même titre que des feudataires, étaient tenues de fournir des subsides, les aides féodales dans les quatre cas déterminés. Service militaire des communes. De même, elle lui devait le service militaire, l'os et la chevauchée. Ici, la communauté n'était soumise à cette obligation que dans une certaine circonscription autour de la commune et non plus loin. Là, pendant un nombre de jours déterminé et non davantage. D'après un acte de 1212, Sisteron équipait pour son seigneur, le comte de Fort-Calquier, 100 hommes de pied et 5 chevaliers, en cas de nécessité seulement, pendant un mois par an au plus, et sans qu'il eussent à dépasser les frontières du comté. En 1257, la même localité s'engageait envers Charles d'Anjou à armer 200 hommes, dont 50 arbalétriers, qui devaient servir à leurs frais chaque année pendant 50 jours dans toute l'étendue des comtés de Provence et de Fort-Calquier. En 1176, Nice devait au comte de Provence 100 sergents pour une chevauchée entre le Siagne et le Var, 50 sergents pour une chevauchée entre le Siagne et le Rhône. En d'autres lieux, cette charge était beaucoup moins lourde. Le service auquel était astreinte la petite commune de Bruyères en Picardie se limitait à une seule journée. Certaines localités fournissaient leur contingent sur mer. Telle était Marseille, Bayonne. En 1242, Henri III d'Angleterre mandait aux habitants de Bayonne d'envoyer leurs galères devant La Rochelle et de faire le plus grand mal à cette place. Ces obligations n'étaient pas absolues et ne valaient que sous certaines réserves. Ainsi, les bourgeois de Valmy, en 1202, ne devaient l'ost et la chevauchée à la comtesse Blanche de Troyes que si cette dernière était présente à l'armée, ou du moins s'il s'y trouvait quelqu'un de sa maison. Souvent aussi, il était stipulé que ce concours serait requis seulement en cas d'invasion, ou encore qu'on ne l'exigerait pas contre telle ou telle personne, et notamment contre le roi, l'empereur ou l'église. Les villes libres étaient fréquemment, comme les châteaux féodaux, livrables et rendables à la première réquisition du suzerain. Le service armé n'était pas de ceux qui plaisaient le plus aux habitants, surtout dans le nord. Ces expéditions arrachaient les bourgeois paisibles et trafiquants à leurs occupations, à leurs habitudes, le plus souvent pour réaliser une ambition qui les laissait indifférents. Ils n'y jouaient pas, en général, un rôle brillant. En 1127, le châtelain de Gand, s'il faut en croire le chroniqueur Galbert, mandait aux habitants de réunir leurs communes, de venir assaillir le château de Bruges, parce qu'ils avaient la réputation d'être fameux dans les sièges et les batailles, et leur force était innombrable. Mais de tels témoignages sont rares. Il faut se garder d'admettre, notamment, que les villes françaises aient exercé, dans les guerres du XIIe et du XIIIe siècle, l'action puissante que les historiens modernes se sont plus souvent à leur attribuer. Si l'on a pu admettre que lors de l'invasion allemande de 1124, les milices urbaines ont contribué à défendre le sol national, c'est grâce à une méprise sur le texte d'un chroniqueur. À Bouvines, leur conduite fut loin d'être aussi glorieuse qu'on l'a cru. Bousculées au début de l'action, elles faillirent compromettre le sort de la journée en découvrant le roi. Si elles servirent utilement, ce fut derrière le rempart. Les rois d'Angleterre le comprirent. Et c'est dans cette pensée, pour assurer la défense de leur ville du continent, qu'ils érigèrent en commune la plupart d'entre elles. De même en France, Corbie sut résister au comte de Flandre. Philippe d'Alsace 1185 et Mantes, assiégée par le roi d'Angleterre en 1188, se défendit assez longtemps pour être secourue par Philippe Auguste. Quant à batailler au loin, elle n'en avait cure. Aussi, dans la suite, elles cherchèrent fréquemment à racheter leurs obligations militaires. Arras, au lieu de fournir 1000 sergents, était autorisée à payer 3000 livres. Beauvais donnait à son choix 1500 livres ou 500 sergents. Au XIIIe siècle, dans tous les centres qui relevaient de la royauté, l'impôt du sang se transforma peu à peu en impôt d'argent, et il ne subsista plus du service personnel que l'obligation de faire le guet. Mais ceci n'était pas encore de nature à distinguer les villes des fiefs. Plus d'un seigneur cherchait de cette façon peu chevaleresque à s'affranchir du devoir militaire. Droits seigneuriaux des communes. Si les communes s'acquittaient envers leurs suzerains d'obligations féodales, elles exerçaient à leur tour une série de droits seigneuriaux. Et d'abord, acquérant des domaines, elles pouvaient les inféoder et créer ainsi des vassaux qui devaient suivre leur bannière. D'ordinaire, les cités du Midi en comptaient plusieurs dans leur clientèle. En 1220, Pierre et Géraud Amic rendaient aveu et hommage à Avignon pour les villages et les châteaux qu'ils tenaient de cette ville. Au même titre que les grands, les communes avaient leur place marquée dans la hiérarchie nobiliaire. De même que parmi les barons certains étaient entièrement indépendants de toute ingérence royale, et que d'autres, en revanche, restaient soumis étroitement à leur suzerain. De même aussi le lien de fidélité qui attachait les collectivités urbaines à leur maître pouvait être ou serré ou extrêmement lâche. Les villes italiennes étaient les plus libres. Celles du Midi de la France, notamment de la Provence, étaient à peine moins indépendantes. La commune d'Apt doit le serment de fidélité à l'Empire et le service à la cour impériale, mais sous cette réserve, elle est entièrement libre. Arles, qui comprend 300 maisons fortifiées, surmontées de tours, agit au XIIIe siècle en état souverain. En 1222, elle acquiert de l'abbaye de Montmajour le château de Mirama. En 1224, elle achète la seigneurie d'Oreille, du côté de la Croix. En 1225, elle obtient de Hugues des beaux l'étang de Valcarès, la terre dite longue-longue, et des vignes en Camargue. En 1226, elle prête 40 000 sous à Raymond VII de Toulouse et reçoit en échange les places du Baron, de Malmissane et de Notre-Dame de la Mer. En même temps, le conseil de ville députe 12 citoyens pour traiter d'alliance, d'amitié et de société avec le roi de France Louis VIII. Une autre année, le conseil général et les chefs des métiers délèguent 8 Arlésiens pour négocier avec le comte de Provence. On leur donne plein pouvoir pour disposer de la souveraineté, même de la cité. Ces exemples accumulés en peu d'années montrent combien cette autonomie était réelle. Peu de seigneurs avaient une devise plus fière que celle qui s'étalait au XIIe siècle sur le sceau municipal d'Arles. L'une des faces représentait une ville que dominaient 3 tours avec cette légende. La ville d'Arles est pour ses ennemis un ennemi et un glaive. Urbs are latensis, est hostibus hostis et ensis. Au revers, on voyait un lion et on lisait ces mots. La colère du lion passe pour noble entre toutes. Nobilis in primis, d'ici solet ira Léonis. Marseille, Béziers, Narbonne, Montpellier, Toulouse, Périgueux, n'était guère moins libre. L'indépendance de ces riches collectivités bourgeoises est comparable à celle des grands feudataires. Si en Italie et dans le Midi de la France, les seigneurs ne s'étaient réservés que des privilèges honorifiques de suzeraineté, partout ailleurs, ils avaient gardé sur les communes des droits plus étendus, plus réels et plus directs. Les communautés de la France du Nord et du Nord-Est, d'Artois, de Picardie, de Flandre, de Bourgogne, avaient conquis de grandes libertés. Le droit de se juger, de s'administrer elles-mêmes, mais elles ne constituaient pas des États souverains. En matière politique, fiscale, militaire, elles étaient soumises, comme la plupart des fiefs, à d'étroites obligations de vassalité. En Angleterre et à l'ouest de la France, dans les provinces anglo-normandes, la part du suzerain était plus grande encore. Dans les localités où les établissements de Rouen avaient essaimé, la plupart des revenus, la haute justice, le contrôle de l'administration municipale lui appartenaient. Ce qui restait aux bourgeois, c'était le minimum des droits que puissent posséder les villes, ayant rang de communes. De même aussi, les centres urbains d'Allemagne n'étaient encore en possession que de libertés restreintes, et c'est seulement dans la seconde moitié du XIIIe siècle qu'elles conquirent leur entière autonomie. Villes germaniques, anglaises et anglo-normandes sont comparables à des fiefs modestes, n'ayant qu'une parcelle de souveraineté. Le droit de paix et de guerre. Toutes ces communautés possédaient le droit de paix et de guerre, les unes sans limitation, d'autres sous certaines réserves, quelques-unes dans la proportion la plus étroite. Dès 1082, Carcassonne guerroyait contre les féodaux. Un peu plus tard, Toulouse, Marseille, Avignon, Périgueux, Narbonne s'alliaient, se séparaient, se rapprochaient de nouveau, entraient en hostilité avec les seigneurs, vengeaient leurs injures, les armes à la main, assiégeaient les villes ennemies, poursuivaient jusque dans leurs châteaux les nobles qui les avaient insultés. Arles fut mêlé à toutes les intrigues, à toutes les guerres de cette région, cherchant des amitiés et des querelles, même au-delà des monts, s'unissant avec Gênes contre Pise, quitte à s'unir à Pise quelques années après, bataillant et traitant sans se lasser. Cette perpétuelle effervescence, que ne contenait aucun frein, n'était pas chose rare dans les cités du Midi. Pour les communes du Nord, qui étaient moins libres, le droit de paix et de guerre leur était d'ordinaire mesuré. Presque toutes, cependant, jouissaient d'un privilège singulier, assez analogue au droit de guerre privé. À l'origine, quand elles recevaient une offense, elles étaient autorisées à brûler la demeure du coupable. Cela s'appelait le droit d'arsin. Mais si la vengeance était douce au cœur des irascibles bourgeois, elle pouvait leur être dangereuse en un temps où les maisons, d'habitude en bois, invitaient les flammes à se propager dans toute la ville. Alors, au lieu d'incendier le logis de l'offenseur, on préféra le démolir, et le droit d'arsin se transforma en droit d'abattisse de maison. Lorsque l'édifice, objet des colères publiques, s'élevait dans l'enceinte de la ville, l'exécution était en général assez facile. Mais lorsqu'il s'agissait d'un château situé dans la campagne, une véritable expédition militaire s'organisait. On convoquait la milice, on appelait les vassaux, on sollicitait l'appui des villes alliées. Alliance entre les communes. Enfin, le sentiment d'une origine semblable, d'un même danger à combattre, d'une politique uniforme à poursuivre, réunissait parfois les cités et les bourgs d'une région en de grandes alliances, dirigées contre des ennemis communs, de la même façon qu'en certains pays, en Angleterre par exemple, on vit la plupart des grands se grouper contre des rois despotes. En Italie, où les villes étaient audacieuses et fortes, ces relations aboutirent à des ligues puissantes, contre lesquelles la féodalité et même la puissance impériale vinrent parfois se briser. On connaît la fortune de la Ligue lombarde. Grâce à ces fédérations, les cités les plus importantes, associant à leur destinée des localités de second ordre, se transformèrent en de véritables républiques. C'est en formant des confédérations entre elles, ou avec les paysans des campagnes, ou avec les seigneurs de leur voisinage, que les villes allemandes réussirent au XIIIe, au XIVe et au XVe siècle à protéger leur commerce et à sauver leur indépendance. La Ligue du Rhin, celle de Souabe, eurent également leurs jours de gloire. Enfin, dans la France du Sud, les grands centres surent aussi constituer des alliances durables, quoique moins illustres, parce qu'elles ne furent pas mêlées à des événements aussi importants. Arles, Avignon, Marseille et un seigneur, Barral des Baux, concluaient en 1247 une ligue offensive et défensive qui devait se perpétuer durant 50 ans. Chaque commune s'engageait à entretenir 100 cavaliers en temps de guerre et 50 en temps de paix. Marseille et Avignon devaient en outre armer 10 navires pour veiller à la défense de la Camargue pendant les 2 mois de la moisson. Dans le nord, ces alliances furent infiniment plus rares. La communauté de Chartres ne créait entre les chefs de Sens et leurs filiales qu'un lien constitutif. En Flandre, il s'esquissa, au XIIe siècle, une sorte de fédération des communes dont Arras fut en quelque façon la métropole, mais par suite des vicissitudes qui démembrèrent cette province à la fin du siècle et un peu plus tard créèrent l'Artois. Cette union s'effondra et des rivalités commerciales se dressèrent à la place. D'ailleurs, les défiances royales empêchèrent ces liens timides de se transformer en ligues dangereuses pour l'autorité souveraine, et toutes les tentatives de cet ordre furent prévenues ou sévèrement comprimées. Encore à la fin du XIIIe siècle, le jury consulte Beaumanoir les considérait comme un redoutable péril. Rappelait l'exemple des villes lombardes et de Frédéric Barberousse et concluait qu'aussitôt qu'on percevait de telles alliances, il fallait les écraser, abolir les franchises, détruire les villes, emprisonner les habitants et pendre les chefs. Fin de la section 41, enregistrée par Margot.